Ça va d'abord ? Monsieur Chirac, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, on est bien dans un CD là. C'est ça, le disque qui brille, la machin tout petit. Des compacts, quoi. Compact, oui. Mais vous... Ah, j'en ai plein, moi, la campagne des disques qui brillent, hein. Ah, vous écoutez de la musique pendant que vous rédigez votre projet pour l'an 2000, c'est ça ? Voilà, c'est ça. De la musique militaire, plein pot. La musique militaire ? Oui, comme ça, j'entends pas les oiseaux qui gueulent sous ma fenêtre. La suite, vite. Toujours plus haut, toujours plus fort, plus près de toi, mon Dieu. Attention, cramponnez-vous, c'est parti. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Bien sûr, c'est l'heure du JTN, mais c'est aussi l'heure du bilan fin de saison oblige. Véhiculer l'information de façon objective, sans fioritures, en refusant le sensationnel, en privilégiant l'événement et les gens sur le terrain, c'est ce que nous avons essayé tout au long de cette année de faire. Oh, je ne dis pas que nous avons réussi, mais nous avons réussi. Et puis, il y a eu la rue Le Pic. Écoutez, Bruno, vous n'avez pas... Non, excusez-moi, je ne sais pas ça. Simplement, oui, simplement, merci, puisque les merci les plus simples sont les merci les plus simples. Merci Guy Béard, merci Charles Hernu, merci Valérie T, merci Jean Le Canuet. Pourquoi Le Canuet ? Non, non, comme ça, ça me fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire... Et puis surtout, merci à vous, les témoins, les téléspectateurs de toutes conditions sociales, de tous âges, et quelquefois de tout sexe. Que vous soyez hétérosexuel ou bisexuel, homosexuel, zoophile, nécrophile, pédophile, sadomaso, boucher ou avocat, que vous aimiez vous enduire le bout des extrémités de miel d'acacia et vous faire titiller le bourgeon par votre dogue, que vous avez au préalable ça enduit va, là, de... Oh oui. Merci. Merci d'avoir... Merci d'avoir contribué à ce qu'en France, pays des droits de l'homme et de la liberté, il y ait des journalistes honnêtes qui essayent modestement de se faire lécher par des dogues. Et puis Bruno, ce JTN ne serait pas tout à fait complet sans la météo, évidemment. Tout à fait, Chantal. Il aurait pu lui aussi faire partie des gens de l'ombre, mais son physique en a décidé autrement. Alors, je dirais très simplement, vas-y princesse, vas-y ma poupette, allez, défonce-toi une dernière fois. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisque à mon tour j'aimerais remercier les éléments qui m'ont aidé cette année. J'aimerais remercier la pluie qui va nous gâcher la fête de ce soir en principe. J'aimerais remercier le soleil qu'on a vu le 12 juin. Et oui, rappelez-vous, c'était le 12 juin, c'était beau. J'aimerais remercier la neige qui m'a aidé à tenir toute l'année aussi. Mais je n'oublierai pas non plus les gens de l'ombre. Les gens de l'ombre, ce sont les deux qui la tiennent et les trois qui l'ont. Merci, merci Dominique. Et puis je vous rappelle quand même que le pitre principal de cette émission, c'était Philippe Gildas. Et on peut l'applaudir. Salut à tous et à bientôt. Sans transition, je reçois maintenant messieurs Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Bonsoir, monsieur Darvaux. Alors, cette semaine, vos deux partis ont réussi à trouver un accord sur des candidats communs. Oui, à ce propos... La monsieur te demande rien pour l'instant. Mais si l'union est si forte, pourquoi ça a été si long ? Je veux dire que cette année, c'était assez compliqué. Oui, c'est vrai. Les discussions ont été assez rapides, puisqu'on est sûr de gagner. Mais c'est Valérie, vous savez comment sont les personnes âgées. Ça pinaille, ça fatigue, ça reporte les séances, ça réclame des petits plaisirs. Quand c'est pas des cakes, c'est des pépitos. Hein, t'aimes bien les pépitos ? Écoutez, ça suffit, c'est ridicule. Je vais vous dire, monsieur Darvaux, on se rend compte que les Français me réclament, m'exigent, et on tente de me faire passer pour un vieillard. Et voilà, il est 8h du soir, la soupe n'est pas sur la table, monsieur Pinaille, monsieur Sénère. Tenez-vous, vous avez tenté de m'escroquer. Là où on n'est pas sûr de gagner, comme par hasard, c'est un candidat commun. Et là où c'est gagné d'avance, vous voulez mettre un RPR. Vous êtes un filou, monsieur Chirac. Ah là là là là là, qui c'est qui prend ? C'est encore moi. L'ingratitude des vieux, hein. Ah, j'aurais dû faire comme les autres, te mettre au Sénat avec mon Henri. En vrai, là, si t'en aurais des chipsters et des pépitos. Vraiment, ça suffit. Pépito. Si ça continue, je m'en vais. Faut vous dire que Valérie réfléchit avec un esprit 74 dans un monde 93. Qu'est-ce que vous dites encore? Je disais au monsieur que nous sommes en 93. Ah oui, c'est exact. Bonne année, monsieur Darvor. Ah, oui, c'est sa bonne année. Il a reçu sa boîte de chocolat de la mairie, il est content. Bon, vous avez gagné, je m'en vais. Ah ben voilà, il nous refait le coup de 81. Mais ne vous inquiétez pas, il va revenir. Ah, vous vous imaginez un peu les négociations. Oh là là là là là là. Bon ben, merci. J'aimerais m'adresser aux Français. Eh ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Merci messieurs, sans transition, les restes de l'actualité. Française, Française. Les nuls veulent faire un disque. Tout à fait, ouais. Philippe. Oui, mais ils vont pas tous chanter dans le Dix. Je fais chante pour voir moustique. Ok. Yeah. All right. One, two, one, two, three. Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons. Est-ce que tu peux mettre des poivrons? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des oignons? Gnon, gnon, gnon. Est-ce que tu peux mettre des carottes? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des lardons? Ça dépend. Omelette, omelette. Bien bon. Bien baveuse avec des croutons. Omelette, bien bon. Omelette, miam miam, aux tomates et aux champignons. Est-ce que ça te met l'eau à la bouche? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait péter? Non, non, non. Est-ce que ça te donne envie? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait rêver? Moyen. Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. On veut une omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons. Oh mais j'y pense d'un seul coup. Quoi, quoi, quoi? J'ai oublié d'acheter les œufs. Oh non, oh non, oh non. Y'a qu'à faire une purée. Oh oui, oh oui, oh oui. Bon allô, t'es personnel, hein. Fais pas de purée, on oublie tout, on laisse tomber. L'omelette, l'omelette, aux tomates et aux champignons. On oublie l'omelette, l'omelette, aux tomates et aux petits oignons. Suite de notre spécial canal, prise de contact à présent avec les membres du service des sports qui préparent l'un des grands moments de la soirée, jour de foot. Alors là, mon petit Jean-Mimi, j'avoue que je ne comprends pas. Des commentaires de football sur un CD, c'est tout bonnement du n'importe quoi. Pas tout à fait, Thierry. Certains commentaires sont absolument somptueux et dégagent une émotion violente. Ah, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre les commentaires de football, mais vous m'avouerez que c'est pas du Molière et que si le foot n'avait pas besoin d'images, on le commenterait à la radio. Hey, j'ai dit une connerie? Tout à fait, Thierry. Ronaldo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Frappe. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Mais alors, pas n'importe quel deuxième but. Loco Pedros. Pedros Loco, c'est fabuleux. C'est extraordinaire. But de Patrice Loco après 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol, énorme, qui mène à 0. Ferraoui avec un contre-favorable, Ferraoui, il a levé la tête et but. But sur ce centre en retrait de Kader Ferraoui, c'est Delmotte, je crois. C'est Delmotte qui inscrit le second but de la SCAN. Bon, c'est comme ça, je m'invite.